La chute des étoiles, de poèmes et poésies de Charles le Comte de Lisle, lu pour LibriVox.org. La chute des étoiles. Tombez, ô perles dénouées, pâles étoiles, dans la mer. Un brouillard de roses nuées émerge de l'horizon clair. À l'Orient plein d'étincelles, le vent joyeux bat de ses ailes l'onde que brode un vif éclair. Tombez, ô perles immortelles, pâles étoiles, dans la mer. Plongez sous les écumes fraîches de l'océan mystérieux. La lumière crible de flèches le fête des monts radieux. Mille et mille cris, par fusées, sortent des bois lourds de rosée. Une musique vole au ciel. Plongez de larmes arrosées dans l'océan mystérieux. Fuyez, astres mélancoliques, ô paradis lointains encore. L'aurore aux lèvres métalliques rit dans le ciel et prend l'essor. Elle se vêt de molles flammes et sur l'émeraude des lames fait pétiller des gouttes d'or. Fuyez, mondes où vont les âmes, ô paradis lointains encore. Allez, étoiles, aux nuits douces, aux cieux muets de l'Occident. Sur les feuillages et les mousses, le ciel darde un œil ardent. Les cerfs, par bonds, dans les vallées, se baignent aux sources troublées. Le bruit des hommes va grondant. Allez, ô blanches exilées, aux cieux muets de l'Occident. Heureux qui vous suit, clarté morne, ô lampe qui versez l'oubli. Comme vous, dans l'ombre sans borne, heureux qui roule enseveli. Celui-là vers la paix s'élance. Haine, amour, larmes, violence, ce qui fut l'homme est aboli. Donnez-nous l'éternel silence, ô lampe qui versez l'oubli. Fin de La chute des étoiles, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.